Mais ils ne peuvent pas nous empêcher de chanter. Je n'étais qu'un égoïste qui ne comprenait rien. J'étais si superficiel. Faut dire, je suis pas mal, c'est génial. On sait plus et aujourd'hui je sais que j'ai changé. Je suis amoureux de toi, peu m'importe ton poids. Car sans amour, la vie est comme un été sans soleil. Sans amour, la vie est comme le miel sans les abeilles. Si toi et moi pour toujours, je ne peux vivre sans toi. Sans amour, et si ne me quitte pas, je ne mens pas. Ne me quitte pas. Toi et moi.